marine. Je tire sur les fachos, sur la France bleu marine. J'ai retrouvé mon surin, je l'avais mis au placard. Pour la guerre aux fascistes, il n'est jamais trop tard. Aucun rôle dans ta gueule, petit con de l'extrême. Et une balle dans ton front, saloperie du FN. C'est le rock autopsie, c'est la mort des nazis. C'est le palais de l'ordure, où vous cachez vos nuits. J'avais perdu l'envie, j'ai retrouvé ma dégaine et mon couteau aussi. À mort les nazillons, à mort les bandes de cons. Je vous offre une cartouche, c'est la seule solution. Identité raciste, saloperie de fasciste. On vous crache à la gueule, vous les négationnistes. Les sourds à deux balles, forissons Dieu donné. Les fans de carnaval vont à guillotiner. Elle pue de la gueule, question d'identité. La France elle pue du cul, sans papier déporté. Je voterai pas pour ton blaze, moi j'ai jamais voté. Pour des cons, pour des nazes, pour ta bande d'enfoirés. Mes frères sont basanés, et je te pisse au cul. Toi le bourgeois aisé, le seigneur de la rue. On est tous africains, on est tous moins que rien. On te prendra par les couilles, petit fils de pétain. Mon flingot qui sent la naphtaline. Je tire sur les fachos, sur la France bleu marine. J'ai retrouvé mon surin, je l'avais mis au placard. Pour la guerre aux fascistes, il n'est jamais trop tard. Aucun rôle dans ta gueule, petit con de l'extrême. Et une balle dans ton front, saloperie du FN. C'est le rock autopsie, c'est la mort des nazis. C'est le palais de l'ordure, où vous cachez vos nuits.